quelque chose à ajouter. Alléluia. Je vous recommande seulement entre les mains du Seigneur auquel vous avez cru. Je n'aime pas grand chose. Il faut seulement rester demeuré dans la parole, bien-aimé. Souvenez-vous des chrétiens libérés. Ils vérifient tous les jours ce qu'on leur disait dans la parole. Et je vous ai annoncé, j'annonce au milieu de ma connaissance ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je fais tout pour ne pas apporter ma pensée ni une interprétation particulière à la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que dans cette zone, j'ai dit des choses selon la parole de Dieu. Je lis tel que la Bible dit, j'ai dit. Quand la Bible n'a pas dit, on ne dit pas. Souvenez-vous, je vous recommande donc cette nuit-ci et ce moment-ci entre les mains du Seigneur. En quelque lieu que ce soit sur cette terre-ci, je vous recommande sous la grâce du Seigneur que tout ce que vous fassiez, que le Seigneur Dieu des armées ait les yeux là-dessus. Dans vos vies privées, dans vos chambres, dans votre travail, dans vos façons de faire, dans vos façons de préparer, de répondre. Que le Dieu de gloire transforme lui-même à sa gloire, pour sa gloire et selon son image. Qu'il veille sur vous et que toute saleté qu'il y a dans chacune de nos vies, toute mauvaise action, tout mauvais comportement qu'il y a dans nos actions encore, que le Dieu de paix purifie lui-même et qu'il vous rende capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière au nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il vous rende parfait dans son amour, par son esprit qui est en nous maintenant, par son esprit qui va relâcher sur l'église. Je prie par-dessus tout que Dieu révèle ses dons. Parmi vous, Dieu va susciter des puissantes femmes de Dieu qui vont prier et intercéder pour l'église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et que toute sa gloire soit en encore manifeste au travers de l'église aujourd'hui, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Demain, revenez, mes soeurs. À la même heure, revenez. Je crois par la grâce de Dieu. Il va parler du sabbat. C'est ce qu'il a. Sabbat. Donc, mais s'il y a encore des questions concernant les dénominations, il faut que vous venez avec des questions, mes soeurs. Ne vous cachez pas. N'ayez pas peur. Posez les questions. Alléluia. Alléluia. Oh de Dieu. Donc, la soeur, je pense qu'on va parler de sabbat parce que demain, j'ai culte réunion ici à partir de 14h. Et quand on commence à 14h, le Saint-Esprit conduit comme il veut. Souvent, ça finit jusqu'à minuit, souvent 23h. On ne sait pas quand ça s'arrête. Donc, on peut se donner rendez-vous plutôt lundi, si Dieu le permet. Comme ça, on puisse parler. Comme ça, les sœurs puissent assimiler tout ce qu'on a fait là. Comme ça, elles cherchent dans la Bible et elles se préparent aussi par rapport au sabbat. J'aimerais que quelqu'un, les gens lisent les différents manuels, lisent la Bible par rapport au sabbat. Pour que lorsqu'on va parler des versets, ça ne surprenne plus personne. Alléluia. Amen. Donc, vous ne serez pas là demain. Donc demain à cette heure-ci, je ne pourrai pas être là parce que je commence à 14h. Mais vous serez là en anglais. Oui, en anglais, on sera là en anglais. À la radio en anglais, on sera là à 14h. Oh, mais c'est donc, ok. Demain, on va prier demain pour l'église. Alléluia. Soyez bénis, frère. Amen, amen. Goodbye. Amen, amen, mes soeurs, soyez bénis. Retrouvons-nous demain encore ici. Venez demain, on va prier ensemble. Alléluia. On va prier pour que vraiment que le Seigneur brise tous les murs de dénomination, les murs de saleté, tous les pourritures qui sont dans l'église. Parce que Jésus-Christ dit mon église est sale et personne ne veut faire quelque chose. Le Saint-Esprit lui-même il en œuvre. Il en œuvre sur toute la terre entière pour détruire toutes les œuvres sataniques dans l'église. Alléluia, mes soeurs. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain à la même heure au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.